Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal à la langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Célébration ce lundi du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le président burundais Evariste Ndayishimiye appelle les politiciens à éviter toute fièvre électorale, faisant référence aux élections législatives de 2025. Et ceux qui ont répondu présents aux cérémonies demandent au gouvernement de faire tout pour trouver solution aux problèmes qui hantent le pays, à savoir le manque du carburant, des devises ainsi que le chômage. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore le comportement du commissaire communal de Gitega qui a marmené le correspondant de la radio-télévision Isanganiro qui prenait des photos lorsque la police maltraitait des gens sur une station-service. Charles Makoto appelle les journalistes à rester courageux et continuer à exercer leur métier malgré ces actes d'intimidation. La radio de l'avenir. Par rapport à la célébration de l'indépendance du Burundi, le président burundais Evariste Ndayishimiye appelle les politiques à éviter toute fièvre électorale, faisant référence aux élections législatives de 2025. Dans son discours à la nation ce dimanche, à la veille de la célébration de l'indépendance du Burundi, le chef de l'État a en outre montré son indignation quant à certains dirigeants qui ont œuvré pour leurs propres intérêts. Suivez-le, traduit en français par Yannick Lemezzo. Indongozi z'igihugu ni mu bakarorero mu bikogwa aho muri hose naho harabashitse mu bibanza barimo baje kubikamisha ubu ni gihe cyo guhindura aux dirigeants du pays. Soyez des modèles dans ce que vous faites partout où vous êtes. Même si certains ont occupé des postes et ont œuvré pour leur propre intérêt, c'est le moment de changer et de se rattraper, et de rattraper le temps perdu. Ainsi, vous prêcherez par l'exemple. C'est vrai, vous avez droit au salaire. Cependant, ayez à cœur que votre mandat se termine demain. Préparez l'après-poste et évitez tout chahut, mais plutôt la bienvenue aux administratifs. Sensibilisez vos sujets et vous leur montrez que la richesse d'un individu n'a de valeur que si elle résulte d'un travail assidu. Pour tous les Burundais, prenez votre temps pour penser à ce qui nous a handicapés dans le passé et rectifier le tir. Ainsi bâtir notre vision et surtout nous rappeler que l'union fait la force. Pour clore, je voudrais vous informer qu'on a deux grands rendez-vous pour notre pays. En premier lieu, c'est le recensement de la population, agriculture, élevage et habitat. Nous demandons aux dirigeants de commencer à expliquer le bien fondé de cette activité en vue d'un pays développé. En deuxième lieu, nous nous préparons aux élections de 2025 qui se dérouleront avant la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. Je demande avec insistance aux hommes politiques de ne pas faire monter la fièvre et d'agir de façon maladroite. Les élections, c'est une routine qu'on s'y prépare étant unis, en sachant que les élections est une manifestation d'indépendance. En organisant l'administration de bonnes élections, c'est montrer à la communauté internationale que les Burundais sont capables de les organiser eux-mêmes. C'est un honneur pour le pays et son peuple. Ko dushoboye kwitunganeza byacu amatora atagira injyane niteka ku gihugu na benecho. L'archevêque du diocèse de Gitega, Bonaventure Nahimana, indique que depuis l'indépendance du Burundi, les Burundais ont été caractérisés par des divisions ethniques. Il a dit lors de la messe de célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi dans la capitale politique de Gitega, le point avec Alain Désiré Boukenet. À travers sa prière, Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque du diocèse de Gitega, dit que l'unité a été perturbée, notamment par des divisions ethniques. Notre unité a été entachée par des divisions ethniques. Beaucoup de Burundais restent caractérisés par la paresse, ce qui laisse une brèche à la pauvreté dans le pays. Monseigneur Bonaventure Nahimana implore la bonté divine afin qu'il accorde aux dirigeants du pays un esprit patriotique afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Bénis nos dirigeants pour qu'ils aient de la sagesse et la bravoure nécessaires afin que tout ce qu'ils font soit orienté vers l'intérêt général, le développement et la liberté du peuple. Quant à Cheikh Ramada Kanyarufuri, imam musulman, il plaide dans sa prière pour une certaine puissance du président de la République de satisfaire les besoins des Burundais avant qu'ils ne se lamentent. Les Burundais ne se lamentent pas encore, mais au Burundi, le peuple a sa façon de s'exprimer. Les Burundais ont soif. Comme vous l'avez ordonné à Moïse de trouver de l'eau à partir d'une roche, nous implorons de donner une puissance à son Excellence le Président de la République afin qu'il puisse étancher la soif des Burundais. Ainsi, les lamentations proviendront d'ailleurs. Ces cérémonies marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi ont connu la présence du président tchadien Idriss Déby en visite au pays depuis ce dimanche. C'est une grande fierté de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Ce sont les dires de ceux qui ont répondu présents aux cérémonies de célébration de cet anniversaire qui se sont déroulées dans la capitale économique de Bujumbura. Cela étant, ces derniers ont évoqué quelques problèmes socio-économiques qui ont hanté le pays, à savoir le manque de carburant, des devises ainsi que le chômage. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour trouver solution à ces problèmes. L'économie du pays est hanté par le manque de carburant, des devises. La situation économique du pays est vraiment très critique. Le marché est caractérisé par l'inflation. Les vivres nous parviennent difficilement suite à ce manque de carburant. Je suis fier de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Avec le salaire que nous percevons, nous parvenons à survivre. Après 62 ans de l'indépendance, l'économie du pays ne se porte pas à merveille. Il n'y a pas du carburant, il n'y a pas du sucre. La vie est vraiment problématique. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour trouver des devises afin que le carburant soit disponible. Nous demandons au gouvernement de s'activer pour que les produits stratégiques soient disponibles sur tout le territoire national. Il faut que le gouvernement puisse revoir à la hausse le salaire. Il y a ceux qui peuvent joindre les deux bouts du mois et ceux qui ne le peuvent pas. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le directeur de radio-télévision Isanganiro déplore le comportement du commissaire communal de Gitega qui a marmené le correspondant de la radio-télévision Isanganiro qui prenait des photos lorsque la police maltraitait des gens sur une station-service. Charles Makoto indique que le journaliste a par la suite été arrêté puis conduit au cachot où il a été détenu pendant 4 heures. Il demande que son matériel lui soit remis et appelle les journalistes à rester courageux. Notre collègue Gérard Nibigira, qui est le correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province de Gitega, comme tout le monde, faisait la queue à la station-service pour pouvoir se ravitailler en carburant. Du coup, il a constaté qu'il y avait une partie de ceux qui faisaient la queue qui était en train d'être malmenés, maltraités par le commissaire communal en commune de Gitega. Et du coup, comme journaliste, le réflexe du métier lui a conduit à prendre une photo de ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là où il a été malmené, tabassé à l'aide du ceinturon du commissaire communal de la police à Gitega et il a été conduit manu militari au cachot. C'est un sentiment, comme je le disais tantôt, un sentiment de tristesse. Nous ne faisons que déplorer une telle situation pour un journaliste qui était en train de faire son travail. Et puis, ce qui fait peur, c'est que son comportement tend à se généraliser en province de Gitega. Hier, c'était notre collègue du journal Iwachu qui a été tabassé par le commissaire provincial de la police à Gitega. Et cette attitude a pour impact de faire peur les journalistes d'exercer. Ce que nous demandons aux journalistes, c'est de ne pas céder à la peur, de défendre toujours les droits de l'homme qui est parmi leurs missions, mais également de savoir que c'est parmi les défis liés au métier. Nous demandons aux autorités habilitées de faire tout ce qu'il faut pour que les téléphones de notre confrère Gérard Nibigira qui ont été saisis soient immédiatement remis. Sinon, c'est une situation d'inquiétude, c'est une situation déplorable. Rendons-nous à présent à Changuzo. 33 familles des Batois de la colline Guamvula en commune Kigamba ont célébré ce dimanche leur réunion légale. L'administrateur de la commune Kigamba leur a demandé de ne plus replonger dans le concubinage. La représentante de la communauté Batois de la colline Guamvula promet de s'atteler à la sensibilisation de ces couples afin de ne pas créer des problèmes dans leur foyer. Raymond Modende. Il s'agit de 33 familles des Batois sur plus de 80 résidences de la colline Guamvula de la commune Kigamba, province Changuzo, qui ont célébré l'union légale. Comme l'indiquent ces ménages, il y a plus de 10 ans que certaines familles vivaient en union illégale. Ce dimanche a été un jour inoubliable pour ces familles qui ont célébré l'union légale devant la députée de la commune Kigamba. Nibogola Anita, administrateur de la commune Kigamba, a conseillé à ces couples inillégalement de ne plus replonger dans leur ancienne pratique de concubinage. Désormais, vous êtes inillégalement et vous devrez vous soumettre à la loi pour respecter vos engagements interdits et d'ajouter que ceux qui vont passer à côté de leur engagement seront sanctionnés conformément à la loi. Signoré Dayambagé, représentante de la communauté Batois de la colline Guamvula, dit que l'ignorance et la pauvreté sont les défis qui empêchent beaucoup de Batois à s'unir légalement. Il salue l'aide apportée par l'initiative de promotion de l'éducation des Batois pour le développement durable, IPREBAD en sigle, une organisation qui a appuyé ces Batois pour célébrer cette union légale. Ndiokoub Gayo Gervais, directeur de l'IPREBAD, affirme lui aussi qu'il y a beaucoup de défis qui empêchent les Batois à s'unir légalement. Selon lui, les Batois ont besoin de renforcement des capacités pour comprendre l'utilité de vivre en union légale. Au moment où ces Batois de Guamvula ont eu l'appui pour franchir cette étape utile dans la vie, d'autres, surtout ceux de la colline Sassoué et Rujungu, toujours en commune Kigamba, disent qu'ils n'ont pas d'appui et vivent en union illégale. L'association locale ARCP Urumuri, qui a remolqué les Batois de la colline Guamvula vers le développement, dit qu'elle va orienter ses activités sur ces collines autrefois délaissées, faute de moyens. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque des équipements sportifs est l'un des défis qui hante le développement du sport féminin dans les écoles. Pour promouvoir ce sport, Liliane Chimilmana, présidente de l'Association des journalistes sportifs au Burundi, souhaite la multiplication des compétitions interscolaires. Chronique sport avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. L'insuffisance des infrastructures et le manque d'équipements sont certains des défis qui freinent le développement du sport féminin dans les écoles. Propos de Liliane Chimilimana, présidente de l'Association des journalistes des sports au Burundi, AGSB. À cela s'ajoute l'insuffisance des compétitions interscolaires. Les difficultés ne manquent pas chez les jeunes filles qui pratiquent le sport étant encore sur le banc de l'école. Parce que dans certaines écoles, il y a un manque criant du matériel et équipement sportif. Il y a les infrastructures qui sont insuffisantes. Pour le cas des filles, il y a les barrières culturelles qui handicapent le développement du sport chez les filles. Il y a des filles qui croient que le sport, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Un autre défi, c'est l'insuffisance des compétitions. Oui, au niveau du ministère ayant l'éducation dans ses attributions, on organise le championnat interscolaire. Mais voir les éliminatoires, est-ce que la compétition est-elle suffisante? Est-ce que ce sont toutes les écoles qui participent aux éliminatoires? Je crois non. C'est toujours la présidente de l'Association des journalistes des sports au Burundi. L'autre défi est lié au harcèlement sexuel commis plus souvent par certains des entraîneurs qui causent l'abandon du sport par certaines jeunes filles. Aussi, il y en a d'autres qui sont découragés par les abus et le harcèlement qui sont commis. Souvent même par des entraîneurs. Ça aussi, ce sont des défis que nous constatons tous les jours. C'est l'abandon. Quand on est harcelé, on est découragé, on est maltraité, on est vraiment considérée comme, je ne sais pas, la conséquence immédiate, c'est l'abandon. Il y a beaucoup de cas de jeunes filles qui ont abandonné le sport à cause des abus et du harcèlement qui ont été faits à leurs égards. Il faut oser dénoncer. C'est la meilleure solution et que les auteurs soient punis conformément aux lois. Pour encourager la participation des jeunes filles scolarisées dans le sport, Liliane Chiminimana demande aux instances habilitées de rendre disponible le matériel nécessaire dans toutes les écoles. Pour encourager la participation des filles dans le sport, il faut encourager toujours la pratique du sport en milieu scolaire. Il faut aussi rendre disponible le matériel nécessaire. Il faut aussi rendre disponible les infrastructures. Il faut ériger des terrains de jeu. Elle demande également l'augmentation des compétitions dans les écoles. Il faut aussi multiplier les compétitions pour augmenter les chances d'apprentissage des élèves. Il faut penser à organiser par exemple des compétitions entre les écoles qui sont dans la même zone, dans la même commune, dans la même province. Et ça va renforcer l'esprit. Ça va renforcer les compétences et les performances des joueurs et joueuses. Liliane Chiminima souhaite que le renforcement des compétences techniques des enseignants de l'éducation physique et des sports soit une priorité dans toutes les écoles pour qu'ils puissent être à jour. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne fête de l'indépendance à tous. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho.